On reçoit deux saisons demain, mais on les attend avec impatience, là, l'avenue de ce groupe-ci. Pour les gens de la région, c'est un groupe qu'on aime. Ils se reforment spécialement pour la 15e édition du Festival du Loup à la Fontaine. Ils étaient présents au tout premier. On reçoit du groupe Deux Saisons, Nicolas Doyon, guitariste et chanteur. Salut Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous avez participé au tout premier Festival du Loup. Pour toi, quels sont les souvenirs de ce moment-là? On s'en rappelle, on était, pour commencer, c'est le coin de pays. Vous êtes de notre accordéoniste et batteur, Jean-Marc Lalonde. Je me souviens que la première fois qu'on est allé, c'était à son festival à lui. Et puis qu'on s'était beaucoup amusé avec sa gang, sa parenté, je sais pas, à chaque fois que je suis allé dans votre région, il y avait une belle chaleur, il y avait du bon monde, puis on s'était très bien amusé. Les gens sont très chaleureux ici. C'est un beau cadeau que vous faites aux gens parce que vous vous reformez spécialement pour le festival. Ça représente quoi pour vous de remonter sur scène là, ce samedi ici à La Fontaine? C'est un beau cadeau que le festival nous fait à nous aussi parce que je pense qu'on était dû. On remercie les gens du festival de nous avoir invités puis d'avoir pensé à nous. Mais en même temps, je pense que ça nous donne l'occasion, ça nous a poussé, nous, à se revoir parce qu'on est un peu dispersés. On n'avait plus nécessairement le même coin puis on n'est plus colocataires comme on l'était dans le temps. Ça fait que c'est vraiment quelque chose. On est là, on profite de la fête puis des célébrations, nous aussi. C'est comme un peu une petite réunion de famille pour vous en même temps, là. C'est ça, exactement. Vous vous attendez à quoi, là, comme accueil des festivaliers de demain? Je m'attends à ce que le monde y participe et puis qu'il chante, puis qu'il danse, puis qu'il sourit avec nous. Je suis particulièrement fier du spectacle qu'on a monté. On a répété toute la semaine. Au début de la semaine, on était un peu rouillés. À la fin de la semaine, on est prêt. Puis on espère transmettre ça aux festivaliers. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour le show de demain? Là? Vu que ça fait 15 ans, là, est-ce qu'on va faire sauter le toit? C'est l'idée. C'est exactement ça l'idée, faire sauter le toit. C'est sûr qu'on bouge un peu moins vite qu'avant. Faudrait peut-être que vous retourniez au gym là, ou faites des étirements un petit peu là, pour être capable d'être un peu plus flexible. Oh, mais l'énergie va être là. C'est sûr, l'énergie va être là. On se permet quand même de faire des nouvelles pièces qu'on n'a jamais faites, évidemment. Parce qu'on s'était dit qu'on voulait pas nécessairement servir du réchauffé aux gens du Festival du Loup, mais qu'on allait leur servir peut-être deux, trois nouvelles chansons qui n'ont jamais été faites en spectacle auparavant. Est-ce que c'est des chansons inédites que vous avez faites auparavant ou ça a été écrit dernièrement, ça, ces chansons-là, que vous allez nous présenter en nouveauté? Un peu des deux. Il y a des chansons qui ont été... Il y en a une en particulier, là, que c'est la première fois qu'on montait en répétition cette semaine. Parce que là, je me disais, s'il y a des nouvelles chansons, ça fait 15 ans que vous n'avez pas joué ensemble, vous remontez, on peut-tu s'attendre à peut-être un retour ou c'est juste un cadeau que vous nous faites pour la 15e? Ça commence par un cadeau. Mais là, pendant qu'on répétait cette semaine, je nous voyais rêver entre nous, puis on regardait les différentes opportunités, puis ce que ça pourrait... On rêvait, puis on regardait des possibilités de projet, de tournée, puis de voir à quel point ça serait possible de faire un retour. C'est le fun, mais c'est plus compliqué, qu'on le pense. Je pense que c'est exceptionnel. Je pense que notre spectacle au festival cette année, c'est exceptionnel. On n'est pas prêt à prendre d'engagement. On n'a pas de projet d'album ou de tournée. Mais évidemment, on ferme pas la porte aux différentes opportunités qui pourraient se présenter. Ça veut dire, bon, vous ne faites pas de promesses à personne, mais si jamais ça pouvait se concrétiser, votre grand retour pourrait être ici même au Festival du Loup. Ah ben ça, on sait jamais. Ça pourrait être très, très le fun pour nous autres ici. Ça serait vraiment exceptionnel. Ben, c'est un endroit qu'on aime beaucoup puis qu'on apprécie. Et puis, ça pourrait être un excellent endroit pour faire un retour, effectivement. Nicolas Doyon, tout juste avant d'entrer en onde, vous me disiez que là, tout de suite après qu'on se soit parlé, là, vous prenez la route, vous montez ici aujourd'hui. Vous allez même prendre un bain de foule ce soir. Vous allez venir voir Damien, les gens. Ça va être vraiment le fun là, pour vous. Là. Oui, ben on veut participer au festival. On veut pas juste être là pour aller faire un... Tu sais, il me semble que c'est ça la dernière fois qui était arrivé. Hein? On faisait plein de spectacle, on était en plein cœur d'une tournée. On ne l'avait pas savouré pleinement. Ben là, cette fois-ci, on ne veut pas manquer notre coup. On va être là. On arrive tôt cet après-midi en tant que festivalier. Et puis, demain, c'est la journée du spectacle. Nicolas Doyon, on vous souhaite la bienvenue ce soir. On a hâte de vous voir, de vous croiser, de vous jaser. Demain, ça va être une soirée magique qu'on va passer avec deux saisons qui se réunissent pour le Festival du Loup. Les gens ont faim de vous autres, ont hâte de vous voir. On le sent là, dans le pouls de la population. Nicolas, on vous souhaite un très bon show demain. Merci là, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin ici à CFRH. Bon, ça fait plaisir et puis à tantôt. Merci, bonne journée et bonne route surtout. Oui, merci. Merci, bye. Bye.